Chapitre 18e, le vicomte de Livan. Monsieur Mélinet, ou pour l'appeler de son vrai nom, Marescot, avait calculé avec raison que le titre authentique de son nouvel affilié, en dehors des avantages qu'en retirerait l'association, agirait puissamment sur l'imagination de la vaniteuse créole. Il ne s'est pas trompé dans ses prévisions. Carmela, tout en cédant à son amour, aurait cru déchoir. Mais quand Hector lui a révélé son nom de famille et sa qualité de vicomte, elle n'eut plus qu'une pensée, replacer celui qu'elle aimait au rang dont la pauvreté l'avait fait descendre et ensuite devenir sa femme. Elle avait commencé par exiger qu'il renonçât à la carrière qu'il avait embrassée. Un vicomte de Livran, lui avait-elle dit, ne saurait rester chanteur dans un café-concert. Bache, qui était acteur, et Mario, qui était chanteur, appartenaient tous les deux à la noblesse, avait-il répondu. D'ailleurs, on me propose un engagement superbe dans un théâtre bouffe. Il y aurait folie de ma part à refuser. Je suis jalouse, et je ne m'habituerai jamais à voir chaque soir des centaines de femmes ou jeter des bouquets accompagnés de déclarations. Mais songez donc que je suis pauvre, avait répliqué le bel Hector. Ne suis-je pas riche, moi, et ne devez-vous pas m'épouser? À toutes les objections qu'il avait faites, Carmela avait répondu par une fin de non-recevoir. À partir de ce moment, l'ancien chanteur habita un charmant entresol, rue d'Aujou-Saint-Honoré, et la créole, qui avait voulu procéder à son ameublement, s'en était acquittée avec un goût exquis. Rien n'était trop beau pour le descendant des sires de Livran. Il y avait dans la maison une écurie vacante. Cette écurie reçut bientôt un magnifique cheval de selle. Hector était un si beau cavalier. La transformation du mari d'Angèle Maréchal avait été aussi rapide que complète, et personne n'aurait reconnu dans cet élégant gentilhomme, habillé chez du Sautois, coiffé par Pinault et ganté par Jonvin, l'ex-ténor du boui-boui des Champs-Élysées. Ses cartes de visite portaient une couronne de vicomte et au-dessous, en lettres microscopiques, le nom du noble dauphinois. À Paris, et surtout dans la sphère des plaisirs, on consulte peu d'osiers pour savoir si l'on acceptera tel ou tel individu, pourvu que l'inconnu de la veille possède le vernis d'un homme du monde et qu'il ait les apparences de la fortune, on n'en demande pas davantage. Du reste, Hector de Livran, avec ses parchemins dans son secrétaire, aurait pu réduire à néant toutes les suppositions malveillantes s'il ne s'était permis d'en faire. À partir du jour où Carmela avait senti qu'elle aimait, elle éprouva un besoin de concentration et voulut vivre uniquement pour celui qui occupait toutes ses pensées. Peu à peu, ses réceptions devinrent plus rares. Puis, comme on se trouvait à cette époque de l'année, où tout Paris chasse ou voyage, elle ferma définitivement ses salons. Cependant, l'amour, tout en amollissant le cœur de la créole, n'avait pas atténué ses instincts pervers. Son million s'était quelque peu écorné dans ses prodigalités à l'endroit du vicomte, et non seulement elle voulait réparer cette brèche, mais doubler et tripler son capital primitif en réalisant son projet de spoliation vis-à-vis de Fernande. En effet, elle comptait, aussitôt que Don José sera muni des pleins pouvoirs de la duchesse, faire vendre les immeubles de la jeune femme et s'en approprier le prix. Le bâtard de Clodion n'était-il pas son esclave? Elle lui avait donné un mois pour obtenir la signature nécessaire. 6 semaines s'étaient écoulées, il songeait à relancer l'oublieux quand il revint subitement à Paris. « Ce soir, se dit-elle, je dresserai mes batteries. » Afin d'être plus libre, elle congédia de bonne heure Hector, qui lui-même avait hâte d'être rendu à la liberté. Nous allons expliquer pourquoi. Si le bâtard de Clodion se trouvait sous la domination de la créole, Hector de Livran, lui aussi, avait sa chaîne. Cette chaîne s'appelait Marescot, qui, dans la journée, lui avait envoyé ce billet laconique « Ce soir, chez moi, à 9h ». Hector n'aurait eu garde de manquer à cette invitation qui équivalait à un ordre. Il prit un remise à l'heure en quittant Carmela, se fit conduire au moulin de la Galette où il y avait bal, et dit au cocher de l'attendre. Entré par une porte du bal, il sortit peu après par une autre, et il gagna pédestrement la rue de l'Abreuvoir. Mélinet Marescot l'attendait dans son cabinet tout en fumant sa pipe. « Corne-meuf, mon fiston, comme tu deviens rare, lui dit-il. 8 grands jours que je ne t'ai vu. Il paraît que nous nous endormons dans les délices de Capou. Faire du sentiment du matin jusqu'au soir, si vous croyez que c'est une sinécure, vous êtes bigrement dans l'erreur, capitaine, répondit Hector d'un ton maussade. Allons, ne vas-tu pas te plaindre? De plus grands seigneurs que toi ont soupiré pour ta belle. C'est possible, mais ceux-là, elle ne les adorait pas tandis que moi. Toi, perroquet, interrompit Maresco, tu n'es qu'un fat, mais ce n'est pas pour te dire des douceurs que je t'ai mandé. De quoi s'agit-il ? Reprit le vicomte aux oreilles duquel le sobriquet du perroquet sonnait peu harmonieusement. T'es-tu fait recevoir, conformément à mes instructions, membre du club que tu sais ? Ce n'est pas chose facile, il faut pour être représenté deux par un, et je suis bien nouveau dans le monde du high life, répondit l'ex-ténor. Je n'aime pas les faux fuyants, repartit d'un ton sec le chef des compagnons de l'Arche de Noé. Lorsque j'ai prescrit un ordre, j'entends être obéi. Je te donne 8 jours pour te faire recevoir. Le duc de Clodion, dont j'ai appris le retour, ah, vous savez, je sais tout. Mais ce que Maresco ne dit point, c'est qu'il avait été informé par Rose de l'arrivée de Don José. Donc, continua-t-il, le duc, qui sera l'un de tes parrains, se chargera de trouver l'autre. Quoi ? Répliqua Hector, vous voulez que... C'est dans l'ordre, mon fils. Le mari est toujours le meilleur ami de l'amant, et d'ailleurs, le duc ne te soupçonnera pas de lui avoir soufflé son odalisque, puisque tu as fait peau neuve et qu'aujourd'hui tu t'appelles le vicomte de Livran. Pourrais-je du moins savoir pourquoi vous tenez si fort à ce que je me fasse recevoir membre de ce club ? Un anglo-indien récemment arrivé à Paris et riche de 7 millions en lingots d'or déposés à la Banque de France en fait partie. Sir Johan Astley ? Tu l'as dit, mon neveu. Il a loué un petit palais au rond-point de l'ancienne barrière de l'Étoile, et comme je suppose qu'il convertira un jour ou l'autre ses lingots en billets de banque, je désire savoir au juste quand son trésor sera revenu de l'hôtel de la Monnaie chez lui. Ne jouons pas sur les mots, capitaine. C'est le rôle d'espion que je remplirai. Tu as mis le doigt dessus, mon joli perroquet. C'est l'emploi, tu dois t'en souvenir, que tu as accepté en entrant dans notre honorable corporation. Hector, pris dans ses propres filets, n'avait rien à objecter. « Je ferai tout mon possible pour vous renseigner, » répondit-il. « À présent, dis-moi où en est l'affaire de la duchesse de Clodion, » reprit Maresco. « Je ne sais rien encore. Le duc est arrivé dans la journée et Carmela doit le voir ce soir. »« Surveille de près la chose, mon garçon. Tu fais la pluie et le beau temps chez la créole. Manœuvre de façon à ce que le duc ne lui glisse pas entre les doigts. L'affaire en vaut la peine. 3 millions qui passeront dans notre caisse lorsque ta princesse les lui aura soutirés. » Demain, je vous informerai de ce qui aura été fait, répliqua le vicomte. Il rejoignit son remise et se fit reconduire rue d'Anjou-Saint-Honoré. Dans quelle galère me suis-je fourré ? Murmura-t-il en se laissant tomber sur un fauteuil. Oh, la misère, la misère ! Puis il ajouta, après un silence : Au bout de tout cela, il y a 1 million, le 1 million de Carmela. Lorsque je l'aurai empoché, je brûlerai la politesse au compagnon de l'Arche de Noé. Et je filerai en catimini à l'étranger, où je vivrai tranquillement de mes bonnes petites rentes. Don José, comme nous l'avons dit plus haut, venait d'arriver à Paris avec le marquis de Kerdal, et ce n'était pas sans terreur qu'il songeait à l'explication qu'il allait avoir avec la terrible créole. Toutefois, il ne désespérait pas de la mater en se faisant une arme de l'intrigue scandaleuse qu'elle avait eue en son absence avec le jeune ténor des Champs-Élysées. 11 heures du soir sonnaient, et le marquis sommeillait depuis déjà quelque temps, lorsque le bruit sec du ressort qui mettait les deux hôtels en communication se fit entendre. La porte dissimulée dans les rainures de la boiserie s'ouvrit aussitôt. Carmela était devant le bâtard de Clodion. Dédaigneuse des séductions de la toilette, elle était vêtue d'un simple peignoir en cachemire rouge, serré à la taille par une cordelière de soie de même couleur. Sans adresser un mot de bienvenue à José, elle s'assit sur une chaise longue et se croisa les bras. Le bâtard comptait sur une interrogation de la créole pour engager la conversation. Cette interrogation n'eut pas lieu, et le silence de son ennemi l'embarrassait. En effet, c'est le plus souvent des premières paroles prononcées que dépend le succès des drames qui se jouent entre deux personnages. Comme ce silence inquiétant persistait, Don José prit le parti de le rompre. « Vous êtes bien silencieuse ce soir, » dit-il à Carmela. « J'attends, » répondit-elle. « Vous êtes une femme pratique, et vous allez toujours droit au but, » reprit le mari de Fernande avec un sourire équivoque. « C'est sans doute à cette procuration que devait signer la duchesse que vous faites allusion. Vous ne me reprocherez point de ne vous avoir pas laissé tout le temps nécessaire, » répliqua la créole. « Voilà près de 2 mois que vous êtes absent. » « Si les renseignements qui me sont parvenus sont exacts, » riposta ironiquement le faux duc, « notre séparation ne vous a pas paru longue. » Vous avez su l'employer d'une façon on ne peut plus agréable. Que voulez-vous dire et quel est le but de tous ces maribaudages ? Interrompit la créole, dont les yeux noirs s'emplirent de lueurs menaçantes. José avait prévu l'orage, mais cette fois, au lieu de l'éviter, il le brava. J'entends simplement par là que pendant mon absence, vous avez disposé de la manière la plus absolue de votre liberté et que, par conséquent, vous m'avez rendu la mienne. Un rire, qui ressemblait à un sifflement, sortit de la gorge de la jeune femme. « Continuez, » fit-elle. « Et sur qui votre choix est-il tombé ? » poursuit le bâtard de Clodion. « Sur un chanteur de café-concert, sur un bohème sorti de je ne sais quel ruisseau. » Carmela, frappée dans son amour, se dressa comme une vipère sur laquelle on aurait marché. « Vous vous trompez, » répondit-elle. « Celui dont vous parlez est noble, un vrai noble, celui-là. Quant à vous, vous êtes-vous donc si bien accoutumé à la peau de duc que j'ai jetée sur votre bâtardise, que vous oubliez le passé ? Mais cette enveloppe volée ne tient pas si bien à vos épaules que je ne puisse l'en arracher. Cessez donc ce persiflage, et parlons de choses sérieuses. L'acte que je vous ai remis est-il signé ?» Don José, fustigé à son tour par cette insolente réplique, commença à perdre contenance. La duchesse a refusé. « Et vous croyez que je me paierai de cette monnaie ?» répondit la créole. « La duchesse n'est pas maîtresse de ses actions. Elle a un oncle, et cet oncle lui a défendu de mettre sa signature au bas de cette procuration. Ou vous êtes un niais, ou vous me trompez. Une jeune femme ne refuse jamais de faire ce que lui demande un mari aimé. J'aurais bien voulu vous voir à ma place, en face du marquis de Kerdal, » repartit José. « Il savait tout. La liaison que tout Paris me prête avec vous, votre luxe soldé avec mon argent, et le chiffre de mes dettes. » Cette révélation inattendue rendit Carmela un moment pensive. « Ainsi la duchesse vous croit mon amant ? » demanda-t-elle au bâtard. « Le marquis, répondit-il, s'est conduit de la manière la plus généreuse. Il a laissé ignorer tout à ma femme et il m'accompagne à Paris pour payer mes dettes. » « Alors rien n'est perdu, mon cher. La duchesse signera la procuration que je vous ai remise. « Expliquez-vous, » fit Don José, qui voyait avec épouvante que la créole ne renonçait pas à son projet. « C'est bien simple. Votre femme n'a pas signé parce qu'elle était sous la domination de son oncle, mais il suffira de faire disparaître cette domination pour qu'elle se rende à vos désirs. Et par quel moyen, s'il vous plaît ? En séparant l'oncle de la nièce. Mais si Fernande refusait de quitter le marquis, dans ce cas peu probable, vous auriez la loi pour vous, très cher. Sans être jurisconsulte, je sais que le domicile du mari doit être celui de la femme. Et si, malgré le code, elle persistait dans son refus, si son oncle, furieux que je voulusse emmener sa nièce de force, allait parler, s'il lui apprenait les folies que j'ai faites, à ce qu'il suppose, par amour pour Madame Carmela de San Luco, qu'en résulterait-il ? Un procès en séparation de corps et de biens. Vous n'êtes pas ferré, cher ami, répondit la créole. Il faudrait, pour obtenir la séparation que vous redoutez si fort, que la duchesse prouvât que j'habitais sous le toit conjugal. Rien de tout cela n'a eu lieu, et personne ne soupçonne l'existence de la porte secrète qui met nos deux hôtels en communication. Le bâtard de Clodion, poussé dans ses derniers retranchements, se risqua à affronter de nouveau la tempête, un moment calmé. Mais il lui tardait d'en finir. Et si c'était moi qui refusait de faire venir ma femme à Paris. Alors ce ne serait plus à une séparation de corps que vous vous exposeriez, reprit froidement Carmela. Vous auriez à répondre devant les tribunaux à une demande d'annulation de mariage, pour substitution et erreur dans la personne. Non seulement votre mariage serait cassé, mais on vous enverrait au bagne pour expier votre crime. Vous me dénonceriez donc ? Vous me connaissez assez, je crois, pour savoir que je n'hésiterais pas une seule minute. Vous auriez beau faire, votre culpabilité éclaterait au grand jour, les vieux serviteurs de votre père, appelés en témoignage, n'auraient tous qu'une voix, comme je vous l'ai déjà dit au château de Kerdal, pour reconnaître dans le prétendu duc de Clodion Don José, le bâtard, qui, après s'être débarrassé de son frère par un crime abominable, lui a ensuite volé son nom, sa fortune et sa fiancée. José, épouvanté par ces menaces, devait une fois de plus courber la tête sous l'implacable volonté de la créole, et lui promit d'écrire à la duchesse de venir le rejoindre à Paris pendant que le marquis s'en retournerait à son manoir de Kerdal. Toutefois, avant de lui faire cette promesse, il voulut savoir pourquoi elle persistait à ce qu'il fît signer à sa femme une procuration devenue inutile puisque ses dettes allaient être payées. « C'est mon bon plaisir, » avait répondu Carmela en souriant. L'immense fortune de Fernande se trouvait donc menacée de nouveau, et tout aussi sérieusement que la première fois. Heureusement, Pedro Diaz veillait. Ayant vu le batteur de Claudio entrer dans la chambre où, deux mois auparavant, il s'était rendu à l'appel de Carmela, il avait soupçonné quelques machinations nouvelles, et la faveur du Judas dissimulée dans les ornements de la rosace, il avait entendu, sans en perdre un seul mot, l'entretien de Don José avec la créole. Quoique l'heure fût avancée, le brave Texien ne voulait pas attendre jusqu'au lendemain pour informer le duc Jean de ce qu'il venait d'apprendre. Il descendit de son observatoire, par l'escalier de service, et sortit par une porte bâtarde affectée à la domesticité. Les Champs-Élysées étaient déserts, mais il eut la bonne fortune de rencontrer un fiacre qui rentrait à vide. Il le héla et se fit conduire à l'hôtel du rond-point de la barrière de l'Étoile, où Jean de Clodion était installé depuis quelques jours sous le nom de sœur Joanne Asley. Il s'annonça comme venant de la part du docteur Cavarox, et il fut introduit sur le champ. « Il y a donc du nouveau ?» lui demanda le jeune duc lorsqu'ils furent seuls. Pedro Diaz raconta tout ce qui s'était passé. « Mais avis, dit-il en terminant, que le meilleur moyen de se débarrasser de cette exécrable femme serait de la lyncher, comme cela se pratique en Amérique. « Ne crains rien, mon brave, répondit Jean, elle expiera ses crimes d'une manière plus terrible que celle que tu rêves. « Et quel sera le justicier ? La Providence ? Que Dieu vous entende, mon cher maître. Mais que comptez-vous faire devant le péril qui menace la duchesse ?« Sois tranquille, j'aviserai, répliqua le duc de Clodion en serrant la main de Pedro Diaz qui se retira. »